The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Shop. La boutique. Jeans. Le jean. Size. La taille. Top. Le haut. Cute. Mignon. To look. Avoir l'air. Style. Le style. Tight. Moulant. Fixed. Rivé. Now, a bit faster. Cute. Mignon. Fixed. Rivé. Size. La taille. Shop. La boutique. Jeans. Le jean. To look. Avoir l'air. Style. Le style. Tight. Moulant. To look. Avoir l'air. Size. La taille. Style. Le style. Cute. Mignon. Top. Le haut. Shop. La boutique. Jeans. Le jean. Cute. Mignon. Tight. Moulant. Now, use the words in context. Le jean. They're my favorite jeans. I wear them all the time. C'est mon jean préféré. Je le mets tout le temps. Le haut. My mom gave me a nice little top for my birthday. Ma mère m'a offert un joli petit haut pour mon anniversaire. Avoir l'air. You look sad. Tu as l'air triste. Moulant. I'm going to wear this slinky dress. Je vais porter cette robe moulante. Rivé. His eyes were riveted on the TV. Il avait les yeux rivés sur la télé. Le jean. They're my favorite jeans. I wear them all the time. C'est mon jean préféré. Je le mets tout le temps. Le haut. My mom gave me a nice little top for my birthday. Ma mère m'a offert un joli petit haut pour mon anniversaire.